Ben, moi, personne ne m'a demandé d'y aller. Hein. Et en plus, j'en ai rien à foutre. Hein. Honnêtement, j'avais l'Algérie, j'avais aucune attache, j'avais rien. Quoique j'ai beaucoup aimé l'Algérie, et j'ai énormément regretté parce que je dis que. Parce que j'ai toujours appris, j'étais libre.